coup de théâtre à la dernière. Au film, l'amour, une dernière fois sur le coup de 3 heures du matin. Il ne fallait bien sûr pas voir naître l'aurore, mais je voulais garder le goût nu de ton cœur, 1 heure, 2 heures, 3 heures encore. Déjà loin les palmiers de Copacabana, tes yeux étaient pleins de Brésil. Le Brésil me disait, viens, ton beau jour on jette l'ancre. Viens apprendre à m'aimer peut-être en brésilien. De lui, et c'est une avenue débouchant sur le port. La chambre, c'est le quai. Une lanterne au loin d'arbre la dinosaure. Notre dernière étreinte fut un cri, un mouchoir. Tu pleurais. Dans tes pleurs, je noyais des larmes que j'avais peur de te faire entendre. Entre ces larmes d'avion surgit un autobus. L'été était serein. L'autobus fondit comme un sucre dans la nuit du regard éclairé de mémoire. Dans la nuit du regard obscur de nos chagrins. Thank you. Thank you. Et comment travaillez-vous? C'est une question que j'aime beaucoup poser aux peintres, parce que j'imagine que l'auditeur a une vision plus précise de l'homme qu'il entend. Oui, sûrement. Eh bien, la technique que j'emploie est, pour le moment, du moins, qui est l'encre assez négligente, qui font qu'on travaille au sol. Comme je travaille des grands formats, c'est presque une scène de théâtre sur laquelle je me mets quand je travaille sur des papiers de 3 mètres ou de, même de 5 mètres sur 9, cela m'arrive. Donc à 4 pattes pour un coup de... Non, sur la pointe des pieds, parce que le papier est très fragile. Le papier est d'une minceur, ce qui fait que c'est vraiment un comportement de danseur qu'il faut avoir pour ne pas provoquer de déchirure. C'est dans un esprit, disons, d'ignorer le plus longtemps possible le résultat final devant lequel je vais me trouver. J'essaye de rencontrer mes personnages comme on rencontre quelqu'un en coin d'une rue. Je ne veux pas dire qu'on joue de cette liberté qui fait qu'on rencontre n'importe lesquels. Il s'avère qu'on a ce stéréotype et que c'est dans une espèce de monde fantastique avec cette constante que je mène. Est-ce que ça ne crée pas quand même une optique particulière de la peinture de travailler à l'horizontale plutôt qu'au vertical? Sûrement. C'est le résultat d'un long travail et d'une longue habitude, parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait, on n'a pas le recul. On a le recul de sa hauteur et je ne suis pas un géant. Oui, il faut apprendre à voir, je dirais, au niveau du sol, un peu comme un basset se met dans l'existence, mais rétablir cette vision dans son univers mental pour quand même se rendre compte de la manière dont on structure son espace et dont on l'organise.